sur France Bleu Béarn Bigorre. France Bleu Béarn Bigorre. Avec Patrick Pourtier. Et toute l'équipe, Sandrine au 05 59 98 09 09. Bonsoir Sandrine, bonsoir. Élodie Gazola est avec nous depuis 16h. Elle sera là aussi pour la réalisation jusqu'à 19h avec le meilleur de France Bleu Béarn Bigorre entre 18h30 et 19h. Le Mac du rugby entre 18 et 18h30. Mais nous n'en sommes pas là. Vous savez que côté météo, eh bien, la matinée de demain sera bien ensoleillée. Mais les premières averses et la pluie, eh bien, reviendront demain. En fin de journée, on garde encore ces températures, on ne sait plus comment les appeler maintenant, d'été indien, d'automne chaud, enfin bref, ce sont encore les températures toujours au-dessus des normales de saison. Dans la demi-heure qui vient, on va vous offrir des cadeaux, on va vous inviter à sortir et on va écouter aussi certains souvenirs. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour ce titre qui arrive, Imagination, en 1982, Just an Illusion. Je trouve que ça n'a pas vieilli, ça le fait toujours. En 1982, il est temps de rejoindre le road trip avec Eric Bentard. On va prendre la direction du centre-ville de Bière où nous étions ce matin pour la tournée des marchés sous les Halles. On y reviendra d'ailleurs en fin de ce 16-19. Pour l'heure, direction le marché bio, justement. Et juste en face, il y a un endroit, pas bien loin en tout cas, où vous pourrez vous poser, vous détendre ou travailler. Ça s'appelle Ma Bulle Café, Eric. Direction dans la place François Mitterrand à Bière pour découvrir, redécouvrir et profiter surtout de ma bulle café avec Marie-Pierre. Bonjour. Une petite bulle, c'est vraiment l'esprit de ce lieu, on y est bien, avec des petits meubles. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont été chinées, non ? Tout a été chiné. J'aime pas tout ce qui est neuf et tout ce qui est standard et donner une deuxième vie en fait aux meubles. Et comme je n'ai pas forcément de goût particulier, j'ai été chercher tout ce qui pouvait me plaire et pendant un an. Et après, j'ai posé les choses comme ça et puis ça s'est fait tout seul. C'était il y a 2 ans. Ça fera 2 ans en février. Ici, depuis qu'on est là, j'ai l'impression que vous connaissez tous ceux qui sont en train de rentrer. Oui, ouais. C'est vrai. Il n'y avait pas forcément de café sur cette place depuis très longtemps, puisqu'il y en avait un en face il y a une vingtaine d'années. Et donc, oui, des habitués qui viennent tous les jours. L'idée, c'était un lieu de rencontre, de partage, de mise en lien, parce que moi, c'est ce qui me plaît, en fait. Partager, et tout est compatible, que ce soit pour venir travailler, que ce soit pour venir boire un café. Sylvie, par exemple, et Margot, qui sont là, ne se connaissaient pas avant, et c'est ici, voilà, elles échangent, et puis elles se retrouvent au café, finalement, les jours de marché, ou pas, d'ailleurs. Si, il y a une chose qu'on ne sait pas aussi quand on vient le matin, c'est ce qu'on va manger le midi. Ça dépend, vous me disiez, un peu l'humeur, des envies, du marché aussi, puisqu'il y a l'Albio juste à côté. Oui, du marché, parce que venant dans le monde agricole, je pars du principe qu'on va travailler en filière courte, donc je travaille avec le marché. Et donc l'idée, oui, c'est de toujours avoir quelque chose à proposer à manger. Par contre, je ne sais absolument jamais ce que je vais faire le matin quand j'arrive, c'est en fonction, c'est vrai, de mes humeurs. Et de la saison et des produits. Et donc, à 10h, je commence à m'affoler sur qu'est-ce que je vais faire à manger. Et bien voilà, on va installer un petit studio aussi de France Bleu, Béarn Bigorre. Avec grand plaisir. Ouais. Et on va prendre un café, profiter en attendant que vous trouviez ce qu'on va manger à midi. Ben voilà. Et puis, on va profiter pleinement de cet endroit très central à Billère où on est bien avec ma bulle. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Merci à vous. Merci Eric. Ma bulle café, c'est à retrouver dans le centre-ville de Billère, en face de la halle du marché bio. Nous étions ce matin entre 9h et 11h. Et d'ailleurs, je vous invite à nous écouter puisque nous reviendrons vivre les meilleurs moments de cette émission tout à l'heure entre 18h30 et 19h pour le meilleur de France Bleu, Béarn Bigorre. L'album Corse avec France Bleu, c'est à suivre. La mia bandera, il luviore che si spanna, ogni istante rausole. Ogni gioco di campana si per me l'alto vanale a mio strada mio vuntana o la mia bandera o la mia bandera tire o la mia bandera in ogni fiume chi corre in usa abbraccia un mare in aianna in albore si per me la stella ardente guida di un messembolore o la mia bandera o la mia bandera dire con la mia bandera in ogni monte scurpino non di l'arigia ogni leccia non di gasta non derido si per me la scorsa vita di l'arburo sembra rito o la mia bandera, o la mia bandera. Io evo la mia bandera in un pianto di un uccello, in la mano che si vuole, in la risa di un zitello. Si la mia antica culana a mio bramo, mio iuelo, o la si per me l'ultimo anello un mio ramo un mio viale con la mia bandera o la mia bandera ti vedo la mia bandera in un vecchio camposanto in un vasto di amore in la rima di un mio canto si per me l'eterna braccia sa Quel somptueux album, hein, cet album avec les Polyphonie Corse. Nous étions avec Voice of Antu et Jennifer à l'instant, à 16h42 minutes tout à l'heure, pour le titre perdu que vous allez identifier. Eh bien, on vous offrira, c'est normal, c'est mercredi, on vous offrira deux entrées pour aller au Cinoche. Le 16-18. Le 16-18. Sur France Bleu Béarn Bigorre. France Bleu Béarn Bigorre. Temps d'en trouver comme chaque soir Pierre Salle avec les Modoc de reprise. Et pour cette première session, eh bien, nous allons avec vous, Pierre Salle, retrouver une bien étrange histoire. Mon légume escoutade, salut à vous autres. À l'est de la Bigorre, et même plus à l'est encore, parfois on raconte l'étrange histoire de Pierrot de las Peiras. En français, ça sonne mal, hein, Pierrot de Pierre, bon. Mais en Oc, ça le fait vraiment, Pierrot de las Peiras. Ne trouve pas. En fait, c'est l'histoire d'un berger, guérisseur et collectionneur de pierres de la montagne, qui a eu des problèmes avec le représentant du clergé local. Classique. Le curé en question a fait en sorte que peu à peu, Pierrot soit mis au banc de la société villageoise. Et eut dit, le malheureux, que stu perseguit per le monde de l'endret, et a cassat d'inquen dehors de las limites du viladier à cause des cailloux. Blessé par les pierres qu'on lui jetait, désespéré par ce rejet de ses anciens amis et patients, Pierrot s'est enfui au fond des bois et on ne l'a plus revu. Mais peu à peu au village, des choses étranges se sont produites. Les pierres des murs, des ponts, des maisons ont commencé à se déformer. Et en plus, quand on les touchait, ces pierres, elles étaient chaudes, même en plein hiver. Et jour après jour, les choses empiraient. Les encadrements des portes, bizarrement tordus, gênaient le passage. Les portes ne fermaient plus. Los murs ustaos, tout dit que ça s'en met en penen. De lui à l'autre custa, de la carrière que miassaban de stuca le laud. Bref, la catastrophe. Alors les habitants ont réfléchi et ils ont compris que les pierres, dont Pierrot était l'ami, manifestaient ainsi leur désapprobation à son bannissement. Ils ont dépêché partout des éclaireurs qui ont fini par retrouver Pierrot dans un vieil abri sous roche, mais le froid et les privations avaient été tels pour lui qu'il était à l'article de la mort. Il a néanmoins voulu revenir au village et son retour a rétabli l'équilibre des choses, bien entendu, et puis... Pérou est mort. Écrit et craque le conte qui finit, écrit le conte qui acabat. Adichat Monde. On vous retrouve dans quelques minutes après les Suprêmes et Baby Love en 1964. Quel souvenir! Merci de votre fidélité, 16h47, les Modoc reviennent. C'est nouveau, c'est du lundi au vendredi sur France Bleu Béarn Bigorre. Je voulais donner aux gens la possibilité de venir déjeuner dans ce lieu. Des choses simples, fraîches et efficaces. Commerce, associations, événements et initiatives, on retrouve tout ce qui est nouveau à Tarbes-et-Pau. Et moi, je voulais vraiment mettre un point d'honneur à faire une boutique où les dames pourraient rentrer comme n'importe quelle cliente en fait et se sentir accompagnée plus comme une femme. C'est nouveau, c'est du lundi au vendredi à 7h10 sur France Bleu Béarn Bigorre et à tout moment sur francebleu.fr. Le 16-18. Le 16-18. Sur France Bleu Béarn Bigorre. France Bleu Béarn Bigorre. Et c'est la deuxième partie des Modoc avec Pierre Sall qui, ce soir, flirte avec la grande histoire. Oh, mise hennes de nos tekepsa, lui dit. Je ne sais pas si vous avez quelques souvenirs précis de vos anciens livres d'histoire de France, mais dans ces ouvrages, je me souviens bien que notre bien-aimé Henri IV était mentionné sous l'appellation de roi de France et de Navarre. Voilà. Alors bon, de France, je comprends, que la Costa de Proca, ou nous Enrique de Nesta, que c'est le début de Mourad il y a au Pernus, mais il y a eu de cours per Paris. Le pays qui m'est béroï de Ségu et le monde passe en pec d'il y a au Cacera. Mais pourquoi rajouter et de Navarre? Parce qu'enfin, la Navarre se compose de la Haute et de la Basse Navarre, la première faisant partie de l'Espagne et la seconde de la France. Alors, en toute logique, ça valait pas vraiment le coup, non? Eh bien, il faut savoir qu'Henri a été roi de Navarre avant d'être roi de France. Ceci dit, depuis 1516, la Castille avait conquis et annexé la Haute Navarre, c'est-à-dire la région de Pampelune. Mais la Basse Navarre, la Navarre du Nord, la région de Saint-Jean-Pied-de-Port, elle est restée indépendante et c'est bien le Nostenri qui en était le souverain. Alors quand Henri III de France est assassiné par un moine catholique, Henri devient aussitôt roi de France, je veux dire Henri le Nôtre, et c'est lui l'héritier du trône. Et donc Henrique Quay de Haït, roi de France et de Navarre, a compté à quel moment. 3 ans avant qu'il ne tombe lui aussi sous les coups d'un moine catholique, Henri IV annexe la Navarre à la France. Mais peut-être, dit-on, pour ménager certaines susceptibilités de chez nous, il garde ce titre de roi de France et de Navarre. Jusqu'en 1830, sous Charles X, le roi portera ce titre. Ataumunde, et beroi, et passata l'umbro. Merci beaucoup, Pierre Sall. On vous retrouve avec grand plaisir, évidemment, demain. C'est mercredi, c'est la sortie des nouveautés au cinéma pour se faire une bonne toile. Alors, il y a des titres qui fonctionnent très très bien, des nouveautés aussi. Eh bien, on va vous y inviter au cinéma, ou pour aller dans le cinéma le plus près de la maison. Ce sera dans quelques minutes. Pau, Lescar, Saint-Louis, ou Tarbes aussi, hein. Voilà le ciné. C'est mercredi, bientôt les places. À toi la fille qui me rend si dure et si tendre, qui sait me parler quand je suis barré, je veux rien entendre. Quand j'ai le cœur sourd, quand j'ai le cœur lourd, de pluie de peine, elle aime tremper dans de l'acier. Quand je suis paumé, que tout m'enchaîne. J'ai parfois l'âme prise dans des filets qui me tourmentent. J'ai parfois l'âme grise. Et si ce soir tu me demandes comment ça va, ça va, ça va, ça va sur ma planète, je te répondrai ça va, ça va, ça va comme ci, comme ça. Les bières, les vins que je bois en vain n'ont pas le goût de la fête. Mais tant qu'on a le cœur qui bat, ça va, ça va. À toi l'ami, le seul homme qui m'a tenu la main. Quand tous les jours je m'en faisais beau, mais lendemain. Toi dont je sais que même blessé, t'es toujours là pour me porter, pour abréger ma peine jusqu'à ce que je sois léger. J'ai parfois l'âme en crise, ma joie de vivre qu'on me la rende. Mon bonheur me méprise. Et si ce soir tu me demandes comment ça va, ça va, ça va, ça va sur ma planète, je te répondrai ça va, ça va, ça va comme ci, comme ça. Les bières, les vins que je bois en vain n'ont pas le goût de la fête. Mais tant qu'on a le cœur qui bat, ça va, ça va. À ce que j'ai parfois négligé, peut-être un peu libre, pour pas déranger, moi le naufragé, sur mon bateau ivre. J'ai pas de bouée, pas de feu de détresse. Je suis pas doué pour les caresses. Mais si jamais vous me demandez quand tout me blesse, comment ça va, ça va, ça va, ça va sur ma planète. Je vous répondrai ça va, ça va, ça va comme c'est comme ça. Avec vous, hein. Ça va. Le 16-18. Le 16-18. Sur France Bleu Béarn Bigorre. France Bleu Béarn Bigorre. Allez, comme chaque soir, on a besoin de vous. Nous sommes à la recherche d'interprètes. Nous sommes à la recherche, comme c'est mercredi, d'un titre de film. Puisque le mercredi, on joue avec les bandes originales de films. Et là aussi, on a un rayonnage dans notre CD-Tech un petit peu compliqué. On aurait besoin de, je sais pas, on aurait peut-être besoin de documentalistes, d'archivistes ou autres. Heureusement que vous êtes là chaque soir pour nous aider. On a un titre. Alors ce soir, on a tout. On a le titre, l'interprète. Et comme c'était un titre et des interprètes à rallonge, eh bien on n'a même pas la suite du titre de film. Mais c'est ce titre de film que l'on vous demande au 05 59 98 09 09. C'est You are the one that I want. Voilà, avec un accent lamentable. You are the one that I want. Avec Olivia Newton-John et John Travolta. Alors, extrait de quel film vous nous appelez. Vous avez quelques petites minutes à peine pour faire vos propres recherches et pour nous aider. Et vous repartez avec deux places de cinéma là où vous voulez. Jouez et gagnez maintenant au 05 59 98 09 09 et directement de la touche appel sur l'appli France Bleu. Allez, soyez rapides, deux places de ciné. John Travolta, Olivia Newton-John, extrait de quelle bande originale de film? À cette colère, ramassant des algues, je me pose un instant tout en hésitant. Pourquoi tant de haine, tant d'éloignement? J'aurais aimé être ton repère, j'en garde encore un doigt meur. Héloïse Hébron, c'est une nouveauté sur France Bleu, Berne Bigorre. Ça fonctionne bien d'ailleurs, c'est vrai, depuis cet été pour cet artiste. Direction Billère, Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir. Alors vous étiez sur la route, vous vous êtes arrêté. Voilà, tout à fait. Et on vous entend. Je me suis arrêté. J'ai pris mon téléphone portable et voilà, ben je vous ai appelé. Et ben voilà, et vous avez vu Sandrine voilà. Et maintenant vous voici à l'antenne avec toute l'équipe. Ça se passe comme ça sur France Bleu Berne Bigorre. Alors le mercredi, on joue avec les films, les bandes originales de films. Et là, on a un petit souci parce qu'on recherchait John Travolta et Olivia Newton-John pour You Are the One That I Want. Et quel était ce film? Ah, alors quel était ce film-là ? Ouais. Si je me rappelle bien, c'est un film qui est sorti en 1978 ouais, en France, exact. Et qui s'appelait Grease. C'était une comédie musicale d'ailleurs, qui se passait sur un campus nord-américain et qui mettait en scène donc la vie d'étudiants pendant les années... Les 70s, en fait. Exactement. À cette époque-là, voilà. Ben, bravo, Jean-Philippe. En plus, on a un cinéphile. Bravo à vous. Alors, il y a un principe dans cette émission, on va fredonner. Alors là, c'est un titre en anglais, c'est pas évident, mais on va se focaliser sur le « ou ». D'accord ? Ah, voilà. Alors, oui, on va essayer tous les deux de faire « ou ». C'est parti, on vérifie. Alors, attention, le premier, il est pour moi. « Ou, ou, ou ». Le suivant, il est pour vous. Allez, l'autre, il est pour tous les deux. Ouh, ouh, ouh. Et alors, on va essayer de faire encore mieux. Attention. Alors là, il va être top, hein. Ouh, ouh, ouh. Bon, bravo Jean-Philippe. Vous repartez avec deux places pour aller au cinéma, voir le film de votre choix, avec la personne de votre choix, et dans le CGR. Avec madame, donc. Que vous voulez, d'accord. Que je salue, en fait, que j'embrasse, parce que... Elle vous écoute. Elle est sur la route, là, et puis je sais qu'elle écoute France Bleu Béarn. Bon, et elle est où? Bon, pas bien, ouais. Elle est sur l'autoroute, en fait, la voilà. Merci, bravo à vous, Jean-Philippe. Juste après l'information de 17h, eh bien, on va parler d'une exposition, l'exposition Laïcité, Citoyenneté, Pluralité. Je vais t'aimer, la comédie musicale Phénomène, avec les plus grands succès de Michel Sardou, est au Casino de Paris à partir du 25 janvier et en tournée dans toute la France en 2024 avec France Bleu. Une histoire inédite entre Paris et New York à travers les époques et la bande-son de notre vie. France Bleu vous offre Je vais t'aimer. Écoutez France Bleu ou rendez-vous sur francebleu.fr. Je vais t'aimer. Vous savez déjà que vous allez chanter. Un spectacle France Bleu. Bienvenue chez Écoutez Voir. Et là, vous entendez mieux? Comme quoi, le plus gros effort pour bien entendre, c'est encore de pousser la porte. Et oui, chez Écoutez Voir, le bilan auditif est gratuit. Et les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Béarn Bigorre. Il est 17h. Un petit mot météo pour vous dire que la matinée de demain sera bien ensoleillée et que les nuages vont revenir à la mi-journée avec des averses. On garde les températures qui sont au-dessus des normales de saison encore pour la journée de demain, jeudi. 17h01. Bonsoir Damien Gozioso. Bonsoir Patrick. Les aéroports de Pau et Tarbes évacués en milieu de journée après une alerte à la bombe. Pau-Usin et Tarbes-Lourdes comme une dizaine d'autres en France, Toulouse, Lyon, Biarritz ou encore Lille. Une alerte à la bombe reçue par mail par les aéroports qui a entraîné l'évacuation des aérogares, le temps des vérifications d'usage, l'intervention des démineurs. À Pau, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques a vite prévenu qu'a priori, il n'y avait pas de menace sérieuse et effectivement, l'aéroport a rouvert vers 15h30. À Tarbes, les démineurs sont toujours sur place en train de s'assurer qu'il n'y a pas de menace sérieuse. Gérard Trémège, le maire de Tarbes, va faire appel du jugement rendu hier par le tribunal de Tarbes, décision qui a estimé qu'il n'y avait pas eu de diffamation de Gérard Trémège par trois de ses opposants politiques. Il a été condamné à leur rembourser les frais de justice, 3000 euros au total. Par ailleurs, Gérard Trémège a annoncé de grandes manœuvres au conseil municipal de Tarbes en début d'après-midi, à mi-mandat, 10 changements dans l'équipe municipale, les principaux, le commandant de police en retraite Jean-Paul Gerbet devient adjoint à la sécurité à la place de Roger Vincent Calatayud, Thomas Dacosta remplace Elisabeth Brunet au sport, aucun poste n'est acquis, a dit le maire, manière de recadrer les troupes. Troisième et dernier jour pour cette semaine du procès de l'affaire des eurodéputés du Modem, pour lequel François Bayrou et 10 autres responsables centristes sont jugés à Paris. Les prévenus continuent d'être auditionnés. Cet après-midi, les députés européens UDF, Bernard Lehideux et Anne Lapérouse ont assuré qu'ils avaient bien travaillé avec les assistants parlementaires qui ont été payés par le Parlement européen à hauteur de 232 000 euros entre 2005 et 2009. On y reviendra dans le prochain journal à 18h. Elisabeth Borne annonce un bilan revu à la hausse des victimes françaises après l'attaque du Hamas en Israël la semaine dernière. 24 Français sont morts, 7 sont toujours portés disparus, dont plusieurs probablement retenus en otage dans la bande de Gaza, précise la Première Ministre. 3500 Français ont d'ores et déjà été rapatriés d'Israël. Total Energy maintiendra bien le plafonnement du prix de ses carburants à 1,99€ le litre pour toute l'année 2024, une mesure que la compagnie avait un temps menacé d'arrêter en cas de prolongation d'une taxe sur les raffineries. C'est le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, qui l'a indiqué ce matin à nos confrères de RTL. L'Élan Béarnais joue en Coupe de France ce soir, 32e de finale à Toulouse contre le Stade Toulousain qui évolue une division en dessous des Palois. Le hic, c'est que l'Élan sera encore privé de son capitaine Gaylor Curier, mais aussi sûrement de Michael Oguiné, l'arrière nigérian touché au flanc. Coup d'envoi de ce match ce soir pour les Palois à 20h. La météo 100% locale avec IGC, constructeur de maisons depuis 40 ans. Retrouvez-nous sur www.igc-construction.fr. 17h04, Patrick Pourquier. Cette météo, un coup soleil, un coup averse. Oui, ben ça va continuer d'ailleurs. Damien, puisque alors cette nuit, le temps sera dégagé. Sur notre région, les températures demain matin, on en parle, 8 en montagne, 8 degrés, 13 à 14 dans les vallées, 15 à 16 en plaine. Demain jeudi, la matinée sera bien ensoleillée. On se dit, ben, ça va être une belle journée. Oui. Attention, puisqu'à partir de la mi-journée, eh bien, ça y est, les nuages reviennent et les premières averses dans l'après-midi, des averses qui arrivent par l'ouest. Les températures, on les garde. Elles sont toujours au-dessus des normales de saison. Elles sont soutenues encore. Il fera à Larens et Argelès-Gazos 22 degrés, à Pontac et Séméac 23, Pau et Lannecob 24, Garlin, Arzac-Arazigué 25 degrés. Aperçu pour vendredi, ce sera un jour assez pluvieux. C'est vrai, de 24 heures aussi d'ailleurs, en ce qui concerne le temps. Bon, pour la route, c'est assez calme, si ce n'est que vous êtes ralenti à Pau entre Cercastet et l'hippodrome du Pont-Long. Le 16-18. Le 16-18. Sur France Bleu Béarn Bigorre. France Bleu Béarn Bigorre. Avec Patrick Pourquier. Dans un instant, on va vous parler d'une exposition qui a débuté le 10 octobre dernier, qui se prolonge jusqu'au 29 décembre, jusqu'à la fin de l'année. L'exposition s'appelle Laïcité, Citoyenneté, Pluralité. Came from nations understand the toil of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke up. Beaucoup de talent pour la chanteuse LP Lost on You. Nous étions en 2016. Le 16-18. Le 16-18. Sur France Bleu Béarn Bigorre. France Bleu Béarn Bigorre. Et nous allons nous diriger sur un lieu qui n'est pas forcément hyper hyper connu, où il se passe énormément de choses, notamment pas mal d'expositions en matière culturelle. Nous partons à l'usine des tramways. Vanina Jovino est mon invitée. Bonsoir Vanina. Bonsoir. Vous êtes la chef du service des archives intercommunales. Ah, c'est dur à dire. Oui. Alors, l'usine des tramways, on connaît ce site parce que des fois, on se gare juste à côté. On voit bien la cheminée du boulevard des Pyrénées qui permet de se repérer sur le panorama de la chaîne des Pyrénées. Mais c'est un endroit où il se passe plein de choses. Vous dépendez de la médiathèque, hein, un petit peu. Tout. On dépend de la culture. De la direction de la culture. D'accord. Mais vous avez des liens avec la médiathèque assez fréquents. Hein. Elle est présente sur site et vous avez surtout à côté de nous le service de la bibliothèque patrimoniale qui est son collègue en fait dans les services patrimoniaux. Donc vous êtes la chef du service des archives intercommunales, donc archiviste. Tout à fait. Voilà. Une archiviste, ça occupe son temps de quelle façon? Alors, je vais vous décevoir, mais en fait on est beaucoup dans les bureaux. Et beaucoup à parler avec nos collègues de leur production administrative, à collecter les documents, à les communiquer, à savoir comment on doit les conserver, à faire le tri. Donc, voilà. Ah oui. Est-ce que l'informatique a été une révolution dans votre métier aussi ? Ah, totalement, puisque ouais. Maintenant on a un site internet où vous avez énormément de ressources en ligne. Vous avez tout l'état civil de la commune de Pau, par exemple, qui est disponible. Vous avez tous les instruments de recherche qui vous permettent de faire des recherches historiques dans l'ensemble des fonds qu'on peut conserver. Donc c'est extrêmement vaste. Alors, on va parler dans un deuxième temps de cette exposition autour de la laïcité. Quand je dis que on n'est pas forcément tous bien au courant de toutes les expositions que vous proposez pendant l'année à l'usine des tramways, c'est vrai, tout le monde connaît pas exactement ce lieu culturel. Mais c'est pas dramatique, ils peuvent apprendre à nous découvrir en venant prochainement à l'exposition qu'on vient d'ouvrir. Et ben voilà, c'est pour ça que l'émission est là et c'est pour ça que vous nous écoutez jusqu'à 17h30. J'ai commencé par enlever ta photo qui s'affichait au-dessus de ton numéro, où t'avais ce sourire subtil, moitié de face, moitié de profil, prise au hasard dans ce resto. Il m'a fallu ôter ma bague, passer l'or de tes plans drague, où t'avais fini par me séduire de ces longues heures et de ces fous rires et tes regards entre deux blagues. Mais... les jours ont filé en moins de deux.

Oui, donc c'est une exposition qui interroge tout le monde, en fin de compte. Il y a des scolaires aussi, la visite, cette exposition ? Elle va être proposée aux scolaires, et surtout, on met à disposition un livret de découverte de l'exposition qui permettra aux familles de venir avec des enfants et de découvrir le parcours de façon un peu ludique. Bon, après, ce sont des enfants plutôt à partir de 7-8 ans. Alors ma question, c'est la suivante aussi. Est-ce que ce sont uniquement des visites libres ou, comme c'est quand même un thème sérieux, important, difficile à capter aussi pour le plus grand nombre, est-ce que ce sont des visites guidées Alors non, là, ça va être vraiment libre et en accès totalement libre et gratuit. Mais à côté, on a tout un cycle de conférences qui s'adressent aux adultes et aux enfants pour aborder cette notion de qui est très complexe et l'aborder sur un temps assez long. D'accord, l'exposition s'est ouverte jusqu'au 29 décembre, 13h, 17h30, du mardi au... Vendredi. Au vendredi, donc allez-y, on continue à parler des expositions avec vous, Vanessa Jovino. Nous sommes à l'usine des tramways, à Pau. As a place of movie scenes, noise is always loud. There are sirens all around, and the streets are mean. If I can make it here, I can make it anywhere. That's what they say. He's found down on Broadway. Le talent d'Alicia Keys en 2009. Le 16-18. Le 16-18. Sur France Bleu Béarn Bigorre. France Bleu Béarn Bigorre. Avec mon invité Vanina Jovenot, excusez-moi tout à l'heure pour avoir transformé votre nom. Vous êtes la chef du service des archives intercommunales. Nous sommes à l'usine des tramways pour cette exposition Laïcité, Citoyenneté, Pluralité. C'est gratuit de 13h à 17h30 jusqu'au 29 décembre. Alors, vous nous l'avez dit, le point de départ, ce sont les panneaux de la Bibliothèque nationale de France autour de la laïcité. Une expo que vous avez vous-même enrichie avec des panneaux d'ici. Tout à fait. On revient sur l'histoire des engagés volontaires, puisqu'on avait travaillé sur la liste d'origine et pour l'enrichir sur le monument aux morts. Et donc là, on a voulu mettre à l'honneur les engagés volontaires, les parcours qu'on avait découverts lors de ce travail. Alors, une exposition qui est aussi la base de différentes conférences, c'est le cas ce soir. Tout à fait. Ce soir, on reçoit le professeur émérite en histoire moderne, Philippe Charère, et qui va revenir sur les prémices de la laïcité du Moyen-Âge, et il va remonter le fil du temps jusqu'à notre histoire contemporaine. D'accord, c'est à partir de quelle heure la conférence? À partir de 18h à l'usine des tramways, et il y a encore des places, donc vous pouvez venir. Alors, autrement dit, il vous reste 38 minutes pour aller rejoindre. On n'est pas loin, on est près de la gare. L'usine des tramways, vous n'êtes pas loin, c'est exactement, Vanina, vous êtes tout près de la gare, il reste quelques places, donc allez donc à cette conférence. Bon, quand on parle aussi de l'usine des tramways, c'est toute une approche avec différents publics, si j'ose dire. Les jeunes ne sont pas oubliés. Du tout. Justement, on a travaillé, parce que c'est un thème qui ne s'adresse pas qu'aux adultes, on a travaillé des ateliers philo, il y en aura deux, le mercredi 25 octobre et 22 novembre. Là, on va recevoir les enfants pour qu'ils puissent s'exprimer et développer leur esprit critique autour de ces notions qui sont assez complexes. Et en fait, ils vont avoir le droit de se poser toutes les questions qu'ils veulent. Oui, c'est ce que j'allais dire, ce sont des notions vraiment complexes pour les enfants. Et justement, il faut en parler très jeune. Oui. Pour développer cette appréhension de ces notions. Parce qu'on dit souvent que la laïcité, c'est un mot intraduisible dans d'autres langues, que c'est une spécificité de la République. Alors, pour revenir justement sur les conférences, il y en aura une super intéressante qui va revenir sur la principauté de Transylvanie, où justement on va la remettre en perspective européenne, parce qu'il faut savoir qu'ils étaient pionniers à la Renaissance dans cette notion, parce qu'ils avaient quatre églises qui étaient mises sur un pied d'égalité. D'accord. Il se passe plein de choses. Il y a même un espace ludique à l'issue de cette exposition. Quel est son but, Vanina? Alors, c'est ouvrir la possibilité à tous, même aux enfants qui sont mineurs et qui n'ont pas le droit de voter, le droit de vote, en fait. Ils vont pouvoir profiter d'isoloirs, d'une urne, de tout le matériel de vote qu'on a habituellement lors des élections. Et ils vont pouvoir s'exprimer sur les prochains thèmes qu'on va aborder lors de nos animations. Ah, c'est une super idée, ça. J'espère. Voilà. Comme s'ils étaient majeurs, quoi. Exactement, ils peuvent se mettre totalement en conditions réelles, ils vont pouvoir fermer l'isoloir. On a même mis un petit tabouret pour qu'ils arrivent sur les tablettes et ils auront même la vraie enveloppe. Voilà, allez donc voir cette exposition. Merci beaucoup, Vanina Jovenot, à toute l'équipe. Vous allez saluer pour nous cette expo, c'est jusqu'au 29 décembre. À bientôt. Je vous remercie, au revoir. Parti cœur au bois dormant, le sourire entre les dents. Silence radio, souvenir fluo. Que reste-t-il maintenant? Kimono et bras ballants. Seulement quelques mots à te dire tout haut. Je tourne en rond sans toi. J'oublie mon. Comment je perds mon sang, froid en un instant. Tire autour de mes failles, comme une ceinture de samouraï. Et moi qui cède sûrement à l'appel du vent. Autant que

Et sur l'agglomération paloise, eh bien, nous sommes niveau circulation toujours sur des coins qui sont un petit peu compliqués, comme chaque soir, avenue Jean Mermoz, vous êtes ralenti, boulevard Alsace-Lorraine, boulevard Touras, avenue des Lilas, également boulevard de la Paix, et puis un petit peu plus à l'ouest, eh bien, si vous vous dirigez boulevard de l'Europe, eh bien, là aussi, vers Quartier Libre, notamment, boulevard de l'Europe, là aussi, ça coince quelque peu. La météo, je vous rappelle que les températures demain matin, elles afficheront pour les minimales 8 degrés en montagne à votre réveil, 13 à 14 dans les vallées, 15 à 16 en plaine. La matinée débute sous le soleil, les nuages arrivent pour tous à la mi-journée et les premières averses dans l'après-midi. Les températures restent élevées. Le 16-18. Le 16-18. Sur France Bleu Béarn Bigorre. France Bleu Béarn Bigorre. Avec Patrick Pourtier. Et toute l'équipe, Sandrine est au 05 59 98 09 09, Elodie Gazola, signe la réalisation technique de ce 16-18, 16-19, hein, puisqu'entre 18 et 19, tout à l'heure, après le Mac du rugby, eh bien, nous vivrons le meilleur moment. Alors ce soir, ça sera un spécial meilleur moment de notre sortie ce matin au Hall Bio de Bière pour la tournée des marchés. Il s'est passé tellement de choses qu'on s'est dit, on va un petit peu vous faire vivre si vous n'avez pas eu la chance d'écouter l'émission de ce matin. It's a heartache, Bonnie Tyler. Ça allait l'accent, Elodie, à peu près? Oui, correct. Merci. It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. But a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache. Nothing but a heartache. Love until your arms break. Bonnie Tyler, oui, il est 17h36 minutes. Bon, c'est un grand classique, ça, mais j'avais envie de vous la faire et vous faire sourire un petit peu. Merci de nous écouter. En tout cas, on va rejoindre Eric Nicolas Malzac pour savoir tout ce qui est nouveau. Le 16-18. Le 16-18. Sur France Bleu Béarn Bigorre. France Bleu Béarn Bigorre. Et nous sommes en centre-ville de Pau en ce mercredi et vous nous faites découvrir, Nicolas, une toute nouvelle boutique. Oui, je suis place de la Libération aujourd'hui à Pau pour découvrir une nouvelle boutique qui vient d'ouvrir. Ça s'appelle Bonjour Simone. Avec vous, Camille. Bonjour Simone, c'est une boutique qui vous ressemble, on va dire. Exactement, oui, c'est ça. C'est un univers dédié à la femme et à la fillette, avec des pièces qui me ressemblent, qui me correspondent et qui correspondent aussi à ma clientèle paloise. Alors, vous n'êtes pas nouvelle, hein, vous n'êtes pas un nouveau visage ici, puisque vous avez tenu la boutique avant. Là, maintenant, c'est à votre nom ici. Donc, vous choisissez toutes les marques avec lesquelles vous travaillez. Et elles ont toute une histoire, en fait. Oui, exactement. Donc, c'était un choix d'avoir du beau, des choses qui me ressemblent, mais aussi de travailler avec des marques qui ont une certaine éthique, une certaine histoire derrière elles, des valeurs aussi qui me tiennent à cœur. Donc, que ce soit sur la qualité des produits, sur la production, leur provenance, etc. Voilà, toutes les marques ont été sélectionnées avec beaucoup de soin et voilà. Pour prendre un exemple, aujourd'hui, vous me recevez avec des chaussures en maïs. Exactement. Oui, donc ça c'est Zeta, c'est une marque bordelaise, donc c'est une jeune créatrice qui a créé donc sa marque de sneakers il y a quelques années maintenant. Donc c'est des produits 100% recyclés, donc comme mes baskets par exemple en cuir de maïs. Donc les cuirs sont véganes, vous retrouvez des cuirs faits à base de feuilles de vigne, les semelles sont entièrement faites à partir de matières recyclées, les cotons aussi. Voilà, un exemple de marques à retrouver chez Bonjour Simone. Et de très belles choses également, avec même, on peut faire des assortiments entre la maman et la petite fille, avec le corner petite fille, donc de très très belles choses à découvrir dans cette boutique très cosy. Ici, place de la Libération, c'est Bonjour Simone et c'est maintenant ouvert à Pau. Merci Nicolas, rendez-vous demain. Cette fois-ci, vous serez près de la Foire Expo pour un nouveau salon de coiffure. Salmaya Salama, allez, pour prendre du rythme et se déhancher quelque peu. Énorme des sables, des plaines sans arbres, s'en va de son pays. Au-delà des dunes, courir la fortune, car le paradis, pour lui, ce n'est qu'un jardin sous la pluie. Salmaya Salama, je te salue. Le puits de la liberté. Salma, ya salama, je te salue, ya salama. Salma, ya salama, je reviendrai de salama. Énorme des sables, des plaines sans armes, s'en va de son pays. Au-delà des dunes,

que l'on se gâche. Je veux que tu saches, je vais chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures, j'irai chercher. C'était Céline Dion avec Pour que tu m'aimes encore. Vous retrouvez France Bleu Collecteur en écoute et podcast sur l'appli ici. Le 16-18. Le 16-18. Sur France Bleu Béarn Bigorre. France Bleu Béarn Bigorre. Et vous le savez, le mercredi, c'est les sorties ciné. Et nous allons rejoindre Guillaume Legras. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir. Le directeur du CGRP Université, on a quelques petites minutes. Quelle est l'actualité du cinéma et vous allez nous parler de quel film? Alors l'actualité du cinéma, elle est assez riche puisqu'on va commencer à s'orienter vers la fin d'année et également les vacances scolaires très bientôt. Donc on a tout un tas de films, notamment des films pour enfants qui sortent en ce moment avec Les Trolls 2 et Pat' Patrouille qui vient de sortir. Ouais. Et après on a des films plus pour adultes, même un peu longs, le dernier Scorsese. On a également 3 jours max qui va pas tarder à arriver et c'est de celui-ci qu'on va parler ce soir. Alors il est très attendu hein, celui-ci parce que le précédent avait fait un tabac à un niveau entrée. Hein. Alors le précédent avait fait un tabac, néanmoins malheureusement il était sorti le jour du confinement, quand il y a eu le couvre-feu en fait. Oui, c'est vrai. Du coup, ouais. Et malgré ça, c'est un film qui a quand même fait un peu plus d'un million et demi d'entrées. Donc c'est plutôt un succès étant donné la période à laquelle il est sorti. Alors c'est pas tout à fait, mais on peut dire la bande à Fifi quand même. Exactement, c'est toujours les mêmes, oui. Alors parlez-nous de cette avant-première pour ce 3 jours max. Ben, là, effectivement, 3 jours max, qui est la suite de 30 jours max, qu'on a pu apprécier dernièrement. Et donc là, 3 jours max, c'est toujours la suite des aventures de Ryan, donc ce fameux policier à qui on avait appris dans le premier opus qu'il lui restait 30 jours à vivre. Et donc, du coup, il se lâche et il devient un super flic. En tout cas, il a peur de rien. Et là, effectivement, dans 3 jours max, l'histoire est un peu différente parce que là, c'est toujours un policier maladroit, héroïque ouais. Malgré lui. Mais là, il se trouve confronté à une situation un peu rocambolesque puisque sa grand-mère a été kidnappée et par un cartel mexicain. Et il reste là 3 jours seulement pour la libérer. Ah oui, en effet, oui. Alors ça, c'est un film idéal pour les vacances qui arrivent. Hein, c'est sûr, vous avez bien raison, Guillaume Legras. Ouais. Effectivement, un film idéal, une comédie, toujours exactement comme vous avez dit, la bande à Fifi. Donc on retrouve toujours les mêmes personnes, Philippe Lachaud, donc Tarek Boudali qui joue en plus qui le réalise, Élodie Fontan, Julien Ruti, et après beaucoup de guests hein, comme toujours avec la bande à Fifi. Et on va se marrer, ça fait du bien. Merci beaucoup, Guillaume Legras. Donc sortie officielle du film 3 jours max. Sortie officielle le 25 octobre. 25 octobre et avant-première. Donc il arrive là et l'avant-première c'est le 24, la veille au soir, ouais. À Pau Université, au CGR Saint-Louis, au CGR Lescar et au CGR de Tarbes bien entendu à 20h mardi. Parfait pour bien débuter ces vacances scolaires de la Toussaint. Merci, à bientôt Guillaume. Merci. Et à la semaine prochaine avec les CGR des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées. Le bruit qui court sur France Bleu Béarn-Bigorre. Alors, le bruit qui court, ben, figurez-vous, c'est le même bruit qui court. En revanche, la cagnotte, la dotation, merci monsieur le directeur, 150 euros. Voilà, la cagnotte, ce bruit qui court, qui vous pose quelques soucis, c'est monté à 150 euros. Alors, si vous avez une petite idée, il faut à tout prix nous appeler au 05 59 98 09 09, puisqu'il n'y a que 3 places pour cette session. Et c'est tout de suite. On va l'écouter, ce bruit qui court. Le bruit qui court. Ah ouais, ça peut être plein de choses. Alors moi, j'ai pas la bonne réponse, évidemment. Seule Élodie et la réalisation technique nous dira si c'est bon ou pas. Vous nous appelez vite, vite, vite. Le bruit qui court sur France Bleu Béarn-Bigorre. C'est bon ? Vous l'avez ? 05 59 98 09 09. Il y a en jeu 150 euros pour le bruit qui court, le jeu que tout le monde nous envie, puisque c'est sur France Bleu, Béarn, Bigorre et sur nulle radio ailleurs. Le bruit qui court, c'est tous les jours, ici et pas ailleurs. Dites-moi si je dors, si je suis bien là. Je ferme les stores, cherche la lumière en moi. Dans mon corps, il doit bien y avoir ça. Dites-moi si on ne m'aime plus tant que ça. Ici la haine tue, putain je ne comprends pas. Pourquoi moi je leur sers d'appât. Je partirai quand ça sera plus la fête. Quand les étoiles seront ternes pour rester éternelle. Je partirai au milieu de la tempête. Je trace comme une comète. Tu sais rien ne m'arrête. Je partirai. Je partirai. Regardez-moi, je m'écroule, sortez vos caméras. Dans la foule, je me jette dans vos bras. Et surtout, gardez un bout de moi. M'en voulez pas si je me fais un film ou un drama. Je marche sur un fil qui se défile sous mes pas. Cherche un endroit, un toit pour être moi. Je partirai, extrait de son album Cœur Parapluie. Et nous allons entendre ce bruit qui court. Le bruit qui court sur France Bleu Béarn-Bigorre. Il n'a pas fini de courir. Énormément d'appels et on vous comprend. 150 euros, il faut identifier ce bruit-là. Le bruit qui court. Philippe est à Jurançon. Bonsoir Philippe. Oui, bonsoir toute l'équipe. Alors 150 euros en jeu, hein, c'est ce qu'on vous souhaite évidemment. Oui. Voilà, quelle est votre proposition? On est à court d'idées, mais bon, peut-être un orpailleur qui secoue une bâtée pour trouver les 150 euros d'or qu'il y a au fond. Ouais. c'est bien tenté, j'aurais tellement aimé que ça le fasse, mais c'est pas ça. Voilà, bon, c'est percé. Bon, merci. Bah, il faut essayer, exactement. Voilà, on a plus d'idées à force. Mais si. Merci Philippe. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à vous. À Hydron, nous accueillons Valérie. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Quelle est votre proposition? Alors, il faut essayer. Ouais. Donc, je disais un pneu qui crève. Un pneu qui crève, on me fait signe que c'est pas ça. Il va falloir chercher un pneu un petit peu encore mieux, d'accord? D'accord, merci. Bon, merci de votre bonne humeur, Valérie. Vous jouerez demain avec le roux qui court avec Eric Dreux à partir de 6h. Il court, le bruit qui court sur France Bleu Béarn-Bigorre. Damien Gozioso, l'information à 18h dans 1 minute 30. Quelles sont les grandes lignes du journal? On va revenir sur le troisième jour du procès dans l'affaire des assistants parlementaires d'eurodéputés du Modem avec une ligne de défense commune qui commence à se dessiner. On va l'entendre. Et puis, des perturbations aux aéroports de Pau et Tarbes après des alertes à la bombe. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. MMA, Business Entreprise. Jusqu'au 25 novembre 2023, 50% offert sur l'assurance dirigeant. MMA. Moins 50% sur la première cotisation annuelle. Condition en agence. Je te dis que je t'aime. Certaines phrases sont tellement plus belles quand elles sont chuchotées. Ce serait dommage de s'en priver. Parce que vous méritez d'entendre le moindre chuchotement, on vous offre le dernier cri. Et oui, chez Écoutez Voir, les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Et en plus, le bilan auditif est gratuit. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. La Nostalvie, c'est le nouveau livre de Patrick Sébastien. Mon nouveau livre, je l'ai appelé La Nostalvie, à ne pas confondre avec la nostalgie. La Nostalvie, c'est rose et jaune comme le soleil, c'est faire un pas en arrière pour mieux aller de l'avant. Et crois-moi, on en a bien besoin. La Nostalvie, de Patrick Sébastien, un récit à savourer. Un livre XO. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Béarn Bigorre. Le bruit qui court demain, ce sera 100 euros. Il est 18h. Une nuit météo dégagée, les températures demain matin, 8 degrés en montagne, 13 à 14 dans les vallées, 15 à 16 en plaine, du beau temps avec du soleil demain pour la matinée, les nuages et les pluies qui reviennent pour la mi-journée, particulièrement pour la soirée, on garde des températures soutenues pour la saison, pratiquement 18h01, c'est l'information avec vous Damien Gozioso. Alors, une ligne de défense commune commence à se dessiner au procès de l'affaire des assistants parlementaires d'eurodéputés Modem. Affaire pour laquelle François Bayrou et 10 autres personnes sont jugées depuis lundi à Paris. On leur reproche, on le rappelle, le fait que des assistants parlementaires payés par le Parlement européen ont en fait travaillé pour le parti centriste. Deux nouveaux eurodéputés UDF à l'époque des faits ont été entendus. Aujourd'hui, Anne Lapérouse et Bernard Le Hideux, ils disent qu'ils ont bel et bien travaillé avec chacune des assistantes parlementaires qui sont citées et qui ont touché en tout 132 000 euros du Parlement européen entre 2005 et 2009, Marion Aquilina. Oui, une des assistantes parlementaires faisait du secrétariat, une autre réservait des salles pour des réunions, explique l'eurodéputé UDF Anne Lapérouse. Mais vous ne pouvez pas le prouver, les documents ont été détruits, lui demande le président du tribunal de Paris. Oui, j'ai déménagé, j'ai fait du tri, c'était il y a 15 ans, si j'avais su que je me retrouverais devant le tribunal, j'aurais gardé des preuves de son travail. La procureure lui rappelle qu'une des assistantes n'avait jamais travaillé pour l'Europe, mais plutôt pour François Bayrou. Pas de réponse de la prévenue. L'autre député européen Bernard Le Hideux, qui est passé après, a vanté les mérites des assistants parlementaires au cœur du procès. Selon lui, il n'y a pas de détournement de fonds puisqu'ils ont travaillé et que ce travail était très important. important pour donner de la visibilité aux eurodéputés UDF qui n'étaient que 11 au Parlement européen. Ça fait sourire François Bayrou, le maire de Pau et patron du Modem, ainsi que les autres prévenus qui font oui de la tête à plusieurs reprises. Marion Aquilina en direct du tribunal correctionnel de Paris pour France Bleu, Béarn Bigorre. Fin ce soir de la première semaine de ce procès qui reprendra donc lundi à Paris. Dans l'affaire de diffamation qui oppose Gérard Trémège à trois opposants politiques, le maire de Tarbes va faire appel. Hier, le tribunal de Tarbes avait estimé qu'il n'y avait pas eu diffamation du maire par ses opposants. C'est à lire sur francebleu.fr. Gérard Trémège qui par ailleurs recadre et réorganise sa majorité au conseil municipal. 10 changements annoncés en début d'après-midi. Aucun poste n'est acquis, a tonné le maire. Principaux changements, Jean-Paul Gerbet devient adjoint à la sécurité à la place de Roger-Vincent Calatayud. Thomas Dacosta remplace Elisabeth Brunet au sport. Des alertes à la bombe et des perturbations dans les aéroports de Pau et de Tarbes aujourd'hui. Mais ce soir, tout est rentré dans l'ordre. Mais à la mi-journée, les aéroports de Pau-Uzin et Tarbes-Lourdes, comme une quinzaine d'autres partout en France, ont reçu par mail une alerte à la bombe. Il a donc fallu évidemment évacuer les aéroports et attendre l'intervention des services de déminage pour lever les doutes. Ces services de déminage beaucoup sollicités dans beaucoup d'aéroports, donc partout en France aujourd'hui, à la clé des retards pour les usagers. Un jeune collégien bigourdant a perturbé lundi l'hommage à Dominique Bernard, le professeur poignardé à mort par un jeune radicalisé à Arras vendredi dernier. Ça s'est passé au collège Beaulieu de Saint-Laurent-de-Nest. Cet élève a crié « Allahu Akbar » juste après l'hommage. A priori, pas de motivation idéologique, mais la volonté de choquer, de provoquer. Les gendarmes l'ont entendu. En France, 357 perturbations et contestations au total ont eu lieu lundi au moment de l'hommage, d'après les derniers chiffres du ministère de l'Éducation nationale. Et quel risque de sanctions derrière, Pierre Emparent? Tous ces cas signalés font l'objet d'une saisine systématique du procureur de la République, autrement dit, signalés à la justice en vue d'éventuelles poursuites. Tous ces élèves seront aussi convoqués en conseil de discipline dans leur établissement scolaire pour des sanctions disciplinaires au cas par cas. Ceux qui ont commis les incidents les plus graves seront immédiatement exclus, exige le ministère de l'Éducation nationale, comme cet élève qui a menacé de mettre une bombe. Deux autres se sont réjouis qu'un prof soit mort. Deux autres, enfin, ont simulé des tirs d'armes à feu. Des faits qui relèvent de l'apologie du terrorisme, un délit puni de 2 ans et demi de prison pour les mineurs. La peine peut cependant être limitée à du sursis avec travaux d'intérêt général ou stage de réparation si l'élève exprime des regrets. Un mouvement de grève nationale pour les métiers de la petite enfance. Demain, attention, c'est assez suivi chez nous, notamment à Pau. Une grosse moitié des services d'accueil seront touchés. Un renseignement sur le site de la mairie pau.fr. D'un mot, les Lambernais jouent en Coupe de France ce soir. Match à Toulouse, à coup d'envoi à 20h pour les Béarnais. La météo 100% locale avec IGC, constructeur de maisons depuis 40 ans. Retrouvez-nous sur www.igc-construction.fr. La météo pour demain, Patrick. Alors demain, journée qui va évoluer dans mauvais sens. Hein. Du soleil pour la matinée, dès la mi-journée, place aux nuages qui reviennent et aux averses. Dans la soirée, les températures restent tout de même soutenues pour la saison. Place au Mac du rugby. France Bleu, le MAG 100% Coupe du Monde de rugby, Dominique Bourdeau. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous accompagner sur toutes vos franges bleues pour ce MAG 100% Coupe du Monde de rugby, dans lequel on va ce soir encore mouiller le maillot, même si le 15 de France a malheureusement trop tôt quitté la compétition. Et ce maillot, c'est évidemment celui des Bleus, fabriqué par le coq sportif, dont le PDG est notre grand témoin ce soir. Bonsoir Marc-Henri Bossier. Bonsoir. Et merci d'être en duplex avec nous depuis la maison de la radio. Donc nous, on va continuer cette Coupe du Monde de rugby avec vous, pour vous et vous. Est-ce que vous avez prévu d'être devant votre télévision ce week-end pour les 2 demi-finales de la Coupe du Monde? J'attends vos commentaires en direct au 0810 055 056. Les Bleus du foot ont attendu bien longtemps, eux, avant de devenir champions du monde. On fera quelques parallèles avec l'un des champions du monde 98, Vicente Lizarazu, consultant football de Radio France, qui sera avec nous avant 18h30. Je salue notre spécialiste rugby, Arnaud Carré. Salut Arnaud. Salut Dominique. Un MAG 100% Coupe du Monde que vous suivez sur Noa, chaîne de France 3, disponible sur toutes les boxes et bien sûr sur francebleu.fr. France Bleu, le MAG 100% Coupe du Monde de rugby.